Bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois une force brute, une de ces géodes qui nous révèle ses tripes pour nous émerveiller et nous secouer. Slameuse depuis longtemps, elle écume les scènes des cabarets aux festivals de théâtre, des événements militants aux veillées poétiques. Son style a la qualité rare de la simplicité où tout semble limpide et parvient, où tout est connecté et rassemble nos êtres éparpillés. Mais en réécoutant ses interventions, on redécouvre la profondeur, les couches qui tissent cette tapisserie vocale. Aujourd'hui, je reçois Marie Dara. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ouais. L'été a été doux. Je n'irai pas jusque là. L'été a été workaholic et profondément absurde, mais voilà. D'accord. Donc ça n'a pas été un été de repos et de. Non. Et de cocon. Non. Ok. Mais on prend, on accepte et puis après on transforme. En art. Très bien. Ça fera 5 et 6e livres sont partis. Oh waouh. Voilà. Alors, mais tu es aussi auteurice, comédien, comédienne, etc. Mais si je t'invite ici, c'est surtout pour ton côté slameuse. Tu pratiques le slam, donc qui est une forme de poésie orale performative qui s'incarne et qui s'appuie sur un public. Est-ce que tu peux rapidement nous définir un peu ce que c'est pour toi le slam et en quoi il se définit d'autres formes poétiques? Oui, c'est ça. Alors, donc le slam, nous, on dit que c'est poésie orale. Poésie, on dit porter un regard sur le monde. Enfin, dans ma définition, dans ce que moi j'explique. Et ensuite, si on parle de compétition, de scène ouverte, c'est normalement 3 minutes, sans instruments, sans accessoires, sans costumes, sans musique. Voilà. On doit être l'autoriste de son propre texte. Et quoi dire d'autre? Ah oui, et la seule et unique interdiction en slam, c'est qu'on ne peut pas faire de l'incitation à la haine, à la violence, au racisme, à la LGBTQIA+phobie, à l'agisme, au jeunisme, à la grossophobie, etc. J'ai envie de dire. On ne peut pas. L'entièreté du texte, le texte dans son entièreté, ne peut pas pousser ou inciter à la haine et la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Selon ça, c'est différence, selon voilà, quelque chose qui l'oppresse, on va dire. Et par contre, oui, c'est ça, mais c'est important. On croit en la liberté d'expression. Donc on peut aborder tous ces sujets, mais dans le contexte d'un présent, ça ne peut pas venir renforcer une oppression. Ok, donc dans son ADN, dans ses règles, il y a déjà cette lutte contre les oppressions, cette lutte contre... l'humour oppressif et le discours oppressif en général. En tout cas, si c'est pas contre, c'est-à-dire qu'on peut pas en rajouter. Voilà. Et c'est vrai que c'est un contexte qui m'a attirée. Parce que j'ai l'impression que ça met une zone très claire et pas de zone grise entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine et la violence. Oui, que souvent aujourd'hui, des personnes se réfugient derrière la liberté d'expression pour justifier des discours et des actes vraiment dégueulasses. Mais alors on reparlera un peu plus tard de ce qui toi t'a amené au slam, mais justement tu l'as dit, le slam c'est souvent sans musique, sans réel costume, sans grand chose. En fait c'est vraiment venir dire son texte sans filet. Après sans grand chose je sais pas hein, parce qu'il y a quand même tout notre bagage de qui on est, dans quelles chaussures on parle, qui est hyper important. C'est pour ça qu'on doit être l'autoriste de son propre texte. Donc il y a quand même tout notre physique, ou notre personne, ou notre entité qui est là, face aux gens, sur scène, et c'est nous qui avons écrit, c'est important, ça, je pense. Puis il y a tous les outils vocaux, et aussi émotionnels qu'on porte. Donc oui, c'est assez à nu, c'est assez sans filet, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on ne croit quand on est dans cette forme de dire-là. Et parce que écrire un texte et le dire, c'est quand même, ça mobilise des compétences et des lieux de confort et d'inconfort qui sont très très différents. Comment vous... Oui, je pense. Je pense que, par exemple, moi qui viens du théâtre, c'est pas du tout pareil pour moi de monter sur scène dans un personnage que d'aller dire mon texte que j'ai écrit en slam. ça mobilise pas les mêmes choses. C'est pas le même trac. C'est pas la même façon d'être à l'oralité. Après, des compétences, oui et non, parce que moi, je trouve que la beauté, elle est déjà là, en fait. Comme on dit en slam, par exemple, on applaudit la personne de sa chaise au micro et du micro à sa chaise, peu importe le contenu du texte, parce que ce qu'on applaudit, c'est le courage de monter sur scène. Voilà, donc j'ai l'impression que tout le monde peut y accéder avec une bonne dose de courage. Après, oui, il y a des compétences. Enfin, après, c'est vrai que moi, avoir fait du théâtre avant, ça m'aide. Avoir fait du chant avant, ça m'aide. Avoir fait du piano et de la musique avant, ça m'aide pour avoir une certaine musicalité ou une certaine rythmique peut-être dans mes textes. Mais en même temps, on peut y aller vraiment sans tout ça, avec sa propre rythmique, sa propre musicalité. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, en slam. Et parce que bon, moi, en tout cas, les arts queer, je les ai abordés principalement depuis le drag. Et d'ailleurs, la première saison de Freaks et Merveilles parlait de drag. Et dans le drag, on a aussi ce côté où il y a des personnes qui viennent au drag et qui montent sur scène en drag dans une volonté artistique, esthétique, etc. Et puis, il y en a pour qui c'est aussi une manière d'explorer nos identités, d'explorer nos vécus, de revisiter nos traumas et les sublimer sur scène, etc. Tu dirais que dans le slam aussi, il y a cette espèce de double point d'entrée. Bah, je pense qu'il y a autant de formes de faire du slam que de slameuse. Voilà. Donc du coup, oui, il y a tout ça, je pense. Oui, il y a tout ça, mais il n'y a pas que tout ça. Enfin, il y a encore plus. Voilà. Et je pense que ce qui est beau, c'est la cohabitation de tout ça, parce que c'est ça qui fait un monde entier, enfin une société, quoi. Mais oui, il y a de ça, il y a venir parler de ce qu'on a vécu, mais il y a aussi, pour certains, jouer avec les mots et la beauté de faire des calembours et des contrepétries, et en même temps d'amener des images poétiques. Donc il y a plein de façons, je pense, de venir en slam ou de venir au slam. Mais peut-être que c'est vrai qu'il y a une urgence de dire dans notre société qui fait qu'en ce moment, c'est artistiquement et politiquement fort, militant, je ne sais pas comment dire, d'être en slam. Mais je pense que c'est parce que c'est l'époque qui est comme ça. On serait dans une époque où tout va bien, on aurait d'autres formes de slam, tu vois. On aurait certainement d'autres choses à dire, tu vois, on aurait d'autres combats et tout ça, mais bon, ça s'inscrit vachement dans la réalité de notre condition sociale, j'ai l'impression. Ok, et donc le slam, pour beaucoup de gens, c'est un moyen d'exprimer aussi des revendications, des luttes, des mal-être. Alors je dirais pas, tu vois, exprimer, oui, des revendications, je dirais pas, je sais pas si c'est des revendications. Moi, j'aime bien le voir comme une forme de témoignage brut. Voilà. Après, tout le monde ne fait pas des revendications par le texte. Je pense que ça témoigne d'une réalité sociale. Ça témoigne de réalités sociales au pluriel. Mais je ne pense pas qu'il y ait dans les textes quelque chose de revendicateur, forcément. Parfois, il y a juste un témoignage de voilà où je me situe, voilà ce qui m'est arrivé, et des questionnements, en fait. Des questionnements, qu'est-ce qu'on en fait ? Ou alors, je vous le partage parce que peut-être je ne suis pas seule à vivre ça, ou voilà. C'est des choses plutôt comme ça, moi, que je décèle. Et il y a d'autres formes de slam qui sont plus engagées, évidemment. Mais c'est parce que du coup, je sais pas, j'ai l'impression que les gens s'attendent à quelque chose de très militant, etc. Et ça l'est, mais pas dans la forme. On va pas faire libérer, enfin, tu vois, c'est pas... On peut, hein, je veux dire. Oui, c'est ça, mais c'est la force du... En fait, c'est l'intime politique. Voilà, c'est ça. Qui se met sur moi, ça, j'ai l'impression que la plupart des choses que je vois, c'est des gens qui racontent des choses, qui nous comptent des choses qui leur appartiennent et qui sont un témoignage de la société dans laquelle on est. Ok. Et parce que moi, j'avoue que c'est une énigme pour moi, mais j'ai jamais été. Mais une des grandes formes du slam, c'est justement des compétitions. D'ailleurs, toi, il me semble que tu as gagné le championnat d'Europe de slam il y a 2-3 ans. 21. En 2021, c'est ça, il y a 3 ans. Du coup, comment on fait pour juger parce que moi, en tout cas, compétition, j'entends quand même jugement sur des performances. On voit que dans le drag, ça ne se passe pas toujours très bien. Donc, dans le slam et avec tout ce que tu viens de dire, comment ça se passe, des compétitions de slam ? Alors, déjà, ça dépend quel genre de compétition. Il faut savoir que normalement, avant, même quand c'était des scènes ouvertes, il y avait une sorte de jury qui était pris au hasard dans le public. Donc, voilà, déjà, le jury est pris au hasard dans le public, normalement. À la base des bases, si on doit remonter à l'essence de ce qu'était le slam, parce que du coup, j'ai lu l'historique du slam, puisque moi, je ne connaissais pas du tout. On prenait n'importe qui dans le public, cinq personnes qui devaient ne pas connaître les personnes sur scène. Donc on demande toujours au jury quand ils sont pris, voilà. Et dans les compétitions que j'ai faites, c'est plus ou moins pareil, à part quand on arrive au niveau européen et mondial, parce que comme c'est filmé et tout ça, il y a un peu de, pas de triche, hein, mais c'est moins spontané que dans les petites compétitions. Mais sinon, on prend cinq personnes dans le public, on demande si cinq personnes connaissent l'un ou l'une des candidats-candidates. Ensuite, quand ça se passe vraiment comme ça, de manière, on va dire, spontanée, on demande qui vous a touché le plus. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous... Après, c'est dépendant de chaque jury. Qui vous a touché le plus ce soir? Ça, c'est la grande question. Voilà. Après, les gens, parfois, sont un peu perdus. Donc, ils vont donner des trucs du genre, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que ça vous a touché émotionnellement? Est-ce que la personne... Voilà. Mais à la base, c'est juste qui vous a touché le plus ce soir. Voilà, qui vous a touché au cœur. Voilà. Après, dans les compétitions, pour moi, avoir dû déjà faire parfois le jury aussi, où du coup, le jury est invité à l'avance. Alors, il y a quand même toujours, quand il y a vraiment des grosses compétitions, un jury de personnes, je ne vais pas dire professionnelles, mais de milieux différents, mais qui s'intéressent au slam et qui se sont inscrits, d'accord. Et il y a quand même une note du public. Et je sais que, par exemple, pour le championnat du monde, il y avait un jury de personnes sur place, pas tirées au sort, qui faisaient partie des équipes, on va dire, de slam, qui avaient des personnes chez eux, dans chaque pays, tu vois, qui étaient tirées au sort, qui s'étaient mis sur une liste pour être tirées au sort. Mm-hmm. Et ensuite, tu as 20% de notes du public. Ah voilà. Ouais. Donc le public pouvait quand même voter le public aussi pouvait sur voter. Ce critère de oui. Qui vous a touché le plus. Et c'est 20% de ta note, oui. Mm-hmm. Voilà. Donc ça se veut, si tu veux, démocratique pour sortir de ce côté compétition. Ouais. Voilà. Il n'y a jamais de note en dessous de 6. Okay. Parce qu'on estime déjà que venir faire son sur scène, c'est déjà 5 ou 6. Ça dépend des compétitions, c'est 5 ou 6 ou 7 parfois. Sur 10. Sur 10. Okay. Et après, on met les décimales du coup pour que ce soit un peu plus serré. Il faut savoir que la note la plus haute ne compte pas et la note la plus basse ne compte pas. Comme ça, si quelqu'un est juste rebuté par ton style ou qui tu es, il pourra toujours te sous-coter. La plus basse tombe toujours. Et on fait la moyenne des 3. Okay. Donc tu vois, c'est quand même dans un esprit d'avoir réfléchi un truc anti-compétition. Alors pourquoi du coup quand même faire des compétitions? Parce que sinon, je pense que les gens pensaient à l'époque que ça n'allait pas intéresser les gens parce que c'est la poésie, parce qu'on sortait d'une longue tradition de voilà, des soirées poésie avec généralement des mecs cis et blancs qui ont fait des grandes études universitaires, qui lisent des longs poèmes pendant 7 minutes. voilà. Et donc on voulait un peu, je pense que la volonté était de dépoussiérer un peu ça. Et parce que la compétition, du coup, les gens peuvent participer, parce que parfois, il y a aussi, quand il y a des notes trop serrées, on fait à l'applaudimètre. Donc, c'est une manière, en fait, de convoquer pour moi l'attention du public. Okay. Voilà. Plus que vraiment de faire une compétition entre nous. Moi, de toute façon, toutes les compétitions que j'ai faites, on disait soit le meilleur poète ne gagne jamais, ou alors, enfin voilà, on n'est pas en compétition l'un envers les autres, j'ai l'impression. C'est plutôt une manière de ensemble se montrer ces textes et c'est surtout essayer de capter l'attention du public, ouais. Par exemple, moi c'est ce que je dis aussi, hein, mais c'est pour ça aussi qu'il y a les claquements de doigts, par exemple, ça prouve que le public suit, ça prouve que si tu aimes bien quelque chose ou si tu vois que la personne est en galère, si tu vois que la personne a trop d'émotions, tu fais ça, ça veut dire que tu es obligé d'être attentif. Mm-hmm. Est-ce que la personne est en galère? Est-ce qu'elle a perdu sa ligne? Est-ce que ça permet de mettre dans une action un côté pas passif le public? Et ça, j'aime bien, enfin j'aime bien parce que je pense que c'était plus un prétexte pour ça, la compétition. Mmh. Et parce que tu disais dans ton très bref historique de la discipline que à la base c'était des mecs cis blancs qui disaient des longs textes, le slam du coup, en tout cas dans l'expérience que toi t'en as, c'est pas des mecs cis et blancs majoritairement qui le pratiquent. Alors quand je disais ça à la base, c'est qu'à la base il y avait pas de slam, donc il y avait des soirées poésie littéraire, quoi. Donc du coup à la base, oui, à cette base là oui. Après je pense que le slam, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, hein. Moi je suis arrivée, on avait déjà défoncé les portes pour moi. Mm-hmm. Donc Joya Kayaga, Lisette Lombé, Julie Lombé, 10 ans avant moi ou 5 ans avant moi, je sais plus combien de temps elles font ça, mais avaient déjà défoncé les portes du slam. Je sais que Joy Slam, avant, elle me disait, j'étais seule. J'étais la seule personne racisée, femme, des soirées slam. Ça se tenait le micro entre hommes cis, et ou non, tu vois, mais voilà. Et donc, moi, je suis arrivée un peu comme une fleur avec tout qui était déjà ouvert, quoi. Donc, je ne pourrais pas trop parler de cette période-là d'avant, puisque moi, je fais du slam que depuis 2021, je pense. Donc, tu vois, ça fait que 3-4 ans. Je sais pas comment je prends. 2024, on est en 2024. On est en 2024. Voilà, donc 3-4 ans, je pense, ouais, que j'ai découvert le slam. Ouais. Donc, avant ça, moi, c'était un monde totalement inconnu de ma part. Hein. J'ai débarqué là. Et j'ai débarqué avec déjà une communauté LGBT sur scène, déjà une communauté racisée sur scène, déjà la parole majoritairement... Enfin, ça s'est vraiment rebasculé à un moment et un revirement de situation. C'est-à-dire que la parole a été, en un coup, plus aux femmes et aux minorités de genre. Mmh. Alors qu'avant, c'était vraiment l'inverse, il paraît. Voilà. D'accord. Mais du coup, moi, je suis arrivée dans ce milieu, c'était déjà... ouais, je suis chez les bisounours. Il paraît que ça n'a pas toujours été comme ça, donc voilà. Ouais. Je l'entends bien aussi et j'imagine qu'il y a dû avoir des pionnières et des pionniers heureux pour défoncer les portes. Mais moi, je suis déjà arrivée, tout était ouvert. C'est ça. T'as eu ce confort-là au moins. Ouais. Et parce que moi, alors la première fois que je t'ai vu et découvert sur scène, c'était pendant un Pourvu qu'elle ne soit pas douce, qui est un cabaret dédié aux personnes sexisées. Est-ce que ça se fait souvent qu'on te demande de venir performer dans des cabarets queer ? Mais assez bien. Alors là aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suppose que c'est par qui je suis et à mon avis les thématiques de mes textes. Mais c'est vrai que moi, on m'a assez vite invité sur des cabarets. Enfin, assez vite. Tout est relatif. Hein. Je n'ai pas du tout de notion temporelle juste, mais je pense qu'on... Ben oui, je ne sais pas, c'était... Alors après, moi, ça me fait toujours un peu bizarre parce que j'arrive et c'est moi qui casse l'ambiance un peu avec mon texte de slam bien lourd, tu vois. Mais je pense que ça, c'est une volonté de la part des cabarets de ne pas avoir que des paillettes ou que du drôle ou que des actes comme ça et d'avoir un moment dedans, quelque chose où on prend. Même si j'ai découvert que, et c'est ça que j'ai très, très kiffé dans la plupart des cabarets que j'ai fait, parce que j'ai fait aussi les Peaux de Minuit et je ne sais plus les autres, mais voilà, j'ai fait plusieurs fois avec des cabarets, c'est que les actes drag peuvent être très militants aussi, et pareil que pour l'humour, quoi. Ouais. Voilà. Et parce que justement, c'était ma question suivante. Est-ce qu'on te book que dans des cabarets un peu poétiques ou un peu plus... Parce que par exemple, bah, de nouveau, le Pourvu qu'elle ne soit pas douce que j'ai vu, il y avait un côté très cosy, très doux. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de lectures de textes et de diction de textes, etc. Ou est-ce qu'on te performe, enfin est-ce qu'on te book aussi à côté de drag qui font du lip-sync sur de la pop américaine, comme on a un peu plus l'image mainstream entre guillemets des drags? Oui, les deux. On m'a booké sur les deux, voilà. Okay. Et de manière générale, j'ai l'impression que le slam m'ouvre des portes complètement insensées d'endroits où je ne pensais pas aller. Ce qui est génial, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce truc passe partout. Mais en même temps parce que casse, tu vois, ça rentre dans le truc, quoi. Enfin, ça rentre dans la porte, quoi. Mais non, j'ai été bouquée, je ne bois plus. J'ai été bouquée dans les deux genres de cabaret, tu vois, un peu plus cosy, plus militant, mais aussi à côté de drags qui font du lip-sync et tout, très, voilà. Ou alors avec des shows des feuillages, des choses comme ça, voilà. Ok, et du coup, j'imagine évidemment que le ou la MC fait un travail d'introduction. Mais est-ce que tu commences par un contact public avant de te lancer dans le texte ou est-ce que tu fais confiance à... Ça dépend, je fais un peu comme je le sens. Je mets toujours des trigger warnings. Okay. Parce que du coup, c'est pas pareil que quand tu vas avoir une compète de slam. Quand tu vas avoir une compète de slam, j'estime qu'il y a un trigger warning général qui est mis. Tu sais où tu viens, tu vois, tu sais bien que ça va peut-être parler de choses. Mm-hmm. Voilà. En cabaret, je pense que les gens s'attendent peut-être pas à ce qu'il y ait du slam au milieu. Donc... je mets un trigger warning, j'explique des mots de potentiel vocabulaire si l'orga m'a dit voilà, ici ces mots-là peut-être ils vont pas être compris ou entendus. Voilà, donc je précise ce genre de choses et puis je me lance parce que je suis pas trop alors je sais qu'il y a des slameuses qui aiment bien faire une grande intro. Moi je suis plus là du genre intro. Je suis quelqu'un d'assez timide en fait en dehors de la scène. Donc c'est vraiment pas facile pour moi de sortir de l'artistique créatif que j'ai fait pour partager aux gens. Ok, oui, c'est ça. Tu préfères rester entre guillemets sur les rails du texte et de la... Oui, et puis parce que je pense que ça m'aide à convoquer peut-être le meilleur de moi-même. Voilà. Après, je suis dispo pour parler après. Et sauf quand je suis aussi en tournée avec les écoles. Alors là, du coup, je fais vraiment trois textes, puis on parle. Mais si tu veux, et j'enchaîne trois textes exprès pour ça parce que ça me demande quand même assez de concentration, de flexibilité émotionnelle, tu vois, pour essayer de rester authentique comme la première fois que je l'ai fait. Mmh. Et du coup, je sais pas, c'est comme deux mondes, j'ai deux switch, quoi, tu vois. Ouais. Et parfois parler avec le public, c'est aussi... Et aussi, j'aime pas trop parler avant, même si je le fais dans les écoles, parce que mon job, c'est d'aller parler aux enfants, tu vois, mais... Enfin, aux ados. Aux enfants aussi. Mais... parce que surtout, c'est peut-être avoir des a priori, déjà. Je préfère juste rentrer et dire mon texte, tu vois, dire les trigger warnings, peut-être expliquer deux ou trois mots de vocabulaire. C'est vraiment... Je pense qu'il y a un gap entre le public et moi, ou la communauté devient le public et moi. Et que m'a dit l'orga, parce que sinon moi je ne le fais pas, d'expliquer les mots. Je pense que je laisse à l'imagination, mais si l'orga me dit « Ah, ça c'est peut-être compliqué », alors voilà, je le fais. Et puis j'aime bien commencer tout de suite, parce que ça ne laisse pas le temps d'avoir des a priori, à part physique, je suppose, que sur ce qu'on voit sur moi. Et du coup, ça me permet peut-être plus que le public soit surpris, ou attendri, ou j'en sais rien. Moi j'aime bien cette, un peu, ce truc un peu de... Je ne vais pas vous parler avant, vous dévoiler qui je suis, quoi. Surtout que généralement, il y a un MC qui fait une petite présentation, donc je trouve que c'est bien assez. Ok, parfait. Et bien justement, on va un petit peu plus se pencher sur qui tu es, quel est ton parcours qui t'a amené au slam. Et pour ça, tu nous as amené un morceau de Lara Fabian, I am who I am. Donc, pardon. Pardon, nous allons commencer. J'avais préparé mes petites chansons. C'est bien, moi, on joue dans l'ordre que tu préfères. Du coup, nous allons commencer par un autre Lara Fabian. Voilà. Alléluia. Oui. On s'écoute ça et puis on revient pour la suite de l'émission. Bonne écoute. Vous êtes sur Radio Panique. Et vous écoutez Freaks et Merveilles. Waouh! Alors, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait un enregistrement vidéo de ce qui se passait en studio, parce que Marie a passé l'ensemble de la chanson à la chanter. Oui. C'était formidable. Merci. C'était formidable, quelle énergie. Eh bien, merci de me faire découvrir cette facette de Lara Fabian que je ne connais pas du tout. C'est vrai, on ne la connaît pas assez, Lara Fabian. ça nous amène justement à se pencher un petit peu sur ton parcours. Alors, en préparant l'émission, je suis tombé sur un épisode de Sororité, un podcast de Rockabamba, dont l'épisode avait été enregistré ici même, à Radio Panique, où nous enregistrons nous-mêmes. Ah, tu étais dans le grand studio, nous on est dans le petit. Et où tu lui disais notamment que tu venais d'un milieu assez marginal, éduqué par une mère célibataire, qui t'avait laissé beaucoup de liberté, beaucoup d'exploration, et puis que tu étais venu un petit peu à la grande ville de Bruxelles pour étudier le théâtre. Comment ça s'est passé, cette arrivée dans ce monde Ce monde de Bruxelles, tu veux dire ? Ce monde de Bruxelles et ce monde du et théâtre et des écoles de théâtre, qui est quand même un monde particulier. Ça s'est pas très bien passé. l'arrivée. En vrai, à la base, je venais pour faire du chant lyrique. D'accord. Voilà. Mais du coup, il faudrait expliquer qu'en secondaire, il y avait une humanité artistique, mais il n'y avait que moi qui voulais faire chant lyrique, donc on ne pouvait pas ouvrir une branche juste pour moi. Donc, j'ai dû prendre théâtre, parce que je voulais quand même faire les humanités artistiques. Et en soi, je faisais déjà du piano et tout ça, et le théâtre, c'était toujours... Ça m'avait attiré aussi, quoi. Donc, voilà. Après, du coup, j'ai quand même essayé de rentrer en chant lyrique, mais je n'avais pas eu autant d'heures de chant que voulu, parce que... Quand tu prends une année artistique, du coup, c'est, je ne sais plus combien d'heures, 16, je pense, de théâtre. Tu vois, donc normalement, c'est remplacé par 16 heures de chant. Oui, c'est intense. Peut-être que ce n'est pas 16, mais on a beaucoup d'heures, quoi. 4, 8, 12 peut-être. Et le reste, c'est des cours théoriques, tu vois. Donc de la régie, histoire de l'art, machin et tout. Je n'ai pas pu rentrer... j'ai pas eu d'humanité artistique en chant lyrique, alors que moi c'était mon grand rêve, d'où Lara Fabian, de faire du chant lyrique. Et donc j'ai d'abord tenté l'examen d'entrée en chant lyrique, qui s'est très très mal passé, parce qu'en plus j'avais 17 ans. Donc à 17 ans, en fait, pour quelqu'un né femme à la naissance, ta voix n'est pas encore muée. Donc t'as encore une voix assez verte et jeune, quoi. Et voilà, donc c'était un peu humiliant, mon examen d'entrée en chant lyrique. Et puis, en 3 jours, j'ai préparé l'examen d'entrée en théâtre. Parce que du coup, j'avais raté l'examen d'entrée en chant lyrique. Et puis là, ça a été assez compliqué. La première année, j'ai doublé. Je pense que je ne comprenais pas ce que je faisais là. Il faut savoir que moi, avant, j'avais été au théâtre que 2 fois. Dans tout mon parcours. Donc, 2 fois en secondaire avec l'école. À part les pièces que nous, on jouait en humanité artistique. Mais sinon, j'avais pas été au théâtre, quoi. Voilà. j'avais vu que du théâtre de boulevard. Parce que je regardais le théâtre de boulevard sur des cassettes vidéo. Ah oui. Voilà. Et du coup, c'était un peu... déjà, débarquer à Bruxelles, c'était quelque chose. Je pense que moi, parmi, c'est comme si tu descends à Paris, quoi. Ouais. Tu montes à Bruxelles, tu vois. Et puis, j'avais pas les codes. J'ai eu un gros choc émotionnel, en fait, de se rendre compte que c'était pas partout comme chez moi. Tu vois qu'il y avait, en fait, beaucoup plus d'accès à la culture ici, que les gens... Enfin, certes, on avait de la culture en commun, mais je sentais que j'avais un énorme... sorte de retard ou de gap en tout cas entre les gens qui vivaient à Bruxelles. Voilà, ça, plus de voir que c'est une autre précarité différente. Il y a de la précarité ici à Bruxelles, mais c'est quand même, je sais pas, c'est quand même une grosse ville en fait. Et donc du coup, les gens n'avaient pas du tout le même parcours que moi, sauf avec quelques amis où on avait justement des parcours similaires, tu vois, un peu sans famille ou avec des familles problématiques ou toxiques, et surtout qui viennent de la marginalité et de la précarité. Donc du coup voilà, ben moi je sais bien que par exemple je suis arrivée en disant que j'étais fan de Lara Fabian, c'est pour ça que je continue à le dire et qu'on m'a dit c'est hyper nul d'être fan de Lara Fabian, oh là là, la honte, et j'étais là, mais non, parce que moi c'était important, parce que c'était une femme compositrice, autrice, interprète, donc pour moi j'ai basé vraiment, voilà, comme Céline, comme Tracy Chapman, comme, enfin tu vois, donc pour moi c'était vraiment un monument, et puis vocalement ce qu'elle fait c'était genre, j'étais là et les gens disent, ah non c'est trop nul, je t'aime, ah, et j'étais là genre, what the fuck. Tu vois, j'étais là genre, mais comment c'est possible, enfin, je veux dire, il y a du talent derrière et qui est indéniable, ouais. Et il y a du travail surtout, et puis c'est une petite Belge qui est partie au Canada, tu vois, à 18 ans, qui a fait sa carrière, qui a une carrière énorme, quoi. Et là, du coup, il y avait une sorte de, pour moi, de ce que j'ai appelé longtemps du snobisme ou du classisme, en fait, sur de ne pas reconnaître, tu vois, ouais, après, c'est quoi être Johnny, mais oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même... Alors, je suis moins fan des hommes cis, parce que souvent, ils ont fait des conneries, du coup, voilà, je ne sépare pas l'homme de l'artiste, et certainement peut-être des femmes aussi, mais je trouve que ce n'est pas des mêmes niveaux de conneries, quoi. Mais j'étais là, en fait, je ne comprends pas, enfin, tu vois, disons que j'avais des goûts de ce qu'on disait baraki ou pauvre, tout ça, alors que pour moi l'art c'était de l'art, enfin tu vois, et j'étais surtout là genre waouh, mais c'est énorme quand même, enfin voilà. Okay. Donc j'ai pas compris grand chose à ma vie. La première année du conservatoire c'était vraiment chaud, puis on m'a dit des trucs qui pour moi n'étaient pas des retours ni artistiques ni constructifs, donc voilà, et comme je ne savais pas que c'était pas vrai, je ne savais pas quoi prendre, tu vois, de tout ça. Puis je pense qu'ils ont repéré quelque chose dans moi qui était de la flemme, alors que c'était juste, j'essayais de rattraper mon retard, mais tu vois comment tu rattrapes le retard de 17 ans d'une vie, enfin tu vois, t'as pas lu les grands auteurs, enfin si Roméo et Juliette, j'aime bien parce qu'il y avait le film, et puis du coup j'ai lu Shakespeare après, tu vois, j'ai lu Les Fleurs du Mal parce que c'était le seul livre qu'on m'a, enfin tu vois, qui m'a plu. C'est vrai que j'essaie quand même de... Mais après, je sais pas, à l'école en français, on donnait des trucs à lire, mais c'était pas toujours super, quoi. Et puis moi, j'avais pas trop le temps, oui, puis dans ce que l'espace tu, de lire. Dans ce que tu dis, c'est aussi une grosse cure de classisme. Oui, c'est pour ça. Pour avoir fait le conservatoire moi-même, c'est un lieu extrêmement classiste. Oui, classiste, c'est aussi raciste, enfin, tu vois. Où l'assignation de genre aussi. Oui, LGBTQ-phobe, enfin, tout, en fait, tu vois. Et je pense qu'à cette époque-là, je posais pas encore les mots... de trans sur moi ou de personnes de genre fluide, etc. Mais j'ai toujours été comme ça, donc moi j'y venais pour me faire libérer de plein de, tu vois, de fermetures d'esprit qu'il y avait peut-être dans ma communauté marginale et précarisée, pas de la part de ma mère, mais peut-être de l'école à Charleroi, etc. Et j'arrive ici, en fait on rejoue ça, mais en te disant juste qu'il faut être de ce style-là, sinon c'est pas cool, quoi, tu vois. Donc c'était assez violent pour moi tout ça, mais je n'ai pas compris que c'était violent quand tu le vis, en fait, voilà. Enfin, j'ai su maintenant, quand j'analyse mon comportement à cette époque-là, j'arrêtais pas de faire de l'humour hyper noir pour le rappeler qu'en fait il y a des gens qui venaient de la merde, et que, mais c'était pas ok du tout, tu vois. Je faisais des blagues sur mes agressions sexuelles, sur mon inceste, tout ça, parce qu'en fait c'était comme si c'était genre, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, en fait, bande de bâtards, et en fait c'est pas ok du tout, tu vois. Mais c'était pas ok de la manière dont je le faisais, mais je n'avais aucun outil pour comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Donc c'était assez compliqué, et si j'avais pas eu mes amis, sincèrement, je pense que j'aurais pas continué le conservatoire, quoi. Voilà. Et puis la découverte de l'accessibilité ici, des drogues, etc., plus dure aussi, c'était aussi quelque chose de pas... Enfin, tu revois toute ta vie en question, en fait, tu vois, parce que tu découvres qu'il y a une autre vie autre part. Alors moi, c'est ce qui m'a poussée à partir de Charleroi. Je savais, je sais pas pourquoi, j'avais ce sentiment-là, mais depuis tout petit, je savais qu'il y avait autre chose qui m'attendait, quelque part d'autre, et qu'il fallait que je parte. tu vois, genre, c'était à la fois une curiosité pour tout ce qui est artistique, mais aussi, il y a autre chose que les quatre murs de cette maison, que cette rue, que cette école, que les harcèlements scolaires, qu'il y a autre chose derrière. Et je savais que je devais y aller, quoi, par survie, tu vois. C'est une sorte de, tu sais, c'est de certitude comme ça qui te vient de nulle part et qui te fait, je suis déter, je vais y arriver, tu vois. Après, quand tu y arrives, tu te fais un peu... voilà. Mais qui m'a sauvé la vie, sinon je pense que je n'aurais pas survécu, quoi. Ok. Et donc, tu es quand même parvenu au bout de ton conservatoire ? Ouais, que j'ai fait en 5 ans, du coup, parce que j'ai doublé ma première. Oui, après, avec... voilà, très compliqué quand même, hein, quand je regarde les mains. On va encore dire que j'ai du mal du conservatoire, mais les gars, regardez-vous un peu en face du miroir, quoi. Il y a un peu des vents qui changent, hein. En tout cas, à l'IAD, il y a des... J'espère. Il y a un peu un travail qui est en train de commencer à... J'espère. Après, de toute façon, moi, je dis, c'est pas pour, tu vois, pour mettre... pour jeter, tu vois, pour cracher dans la soupe. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai bu, donc j'ai le droit. mais ce serait clair que l'enseignement, de manière générale, pas qu'en artistique, tu vois, se regarde un peu en face, tu vois, parce que l'abus de pouvoir, le racisme institutionnel, la LGBTQ+phobie institutionnelle, le truc des genres, enfin, voilà, tout le monde n'a pas accès à la même éducation dans les mêmes conditions, et c'est pas normal, tu vois. Donc, c'est pas que le conservatoire, mais c'est vrai que les études artistiques... permettent un terreau fertile à l'abus de pouvoir, notamment. Et l'abus de « on fait n'importe quoi, on n'a pas de pédagogie, voilà. » Oui. Et on te met 3 mois avec quelqu'un qui a dit Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment on peut plus former des futures victimes d'agresseuses, tu vois. Je ne sais pas comment on peut plus faire ça, tu vois, parce que... on est totalement sous emprise, tu vois. Et oui, on croit qu'on est libre parce que nous, on s'est échappé certainement d'une autre emprise avant, tu vois. Moi, je suis arrivée à 19 ans, c'était mon indépendance d'aller au conservatoire. Enfin, je suis arrivée à 17 ans, mais je veux dire, quand j'ai eu 19 ans, j'étais là, waouh, je prends une vie en main, je fais des études, tu vois. Je me suis sortie de mon milieu et tout ça. Et en fait, tu te rends pas compte que tu es repris dans une sorte, une forme d'emprise générale, hein, de, pas d'une personne en particulier, mais d'études, tu vois, de conditionnement, de ce qu'on te demande de faire, tu vois. Tu dois être un moule vide pour qu'un metteur en scène mette ses trucs dedans. C'est quoi ce concept déjà, en fait, tu vois, c'est juste pas possible, en fait. Je ne suis pas un moule vide, en fait, tu vois. Ouais. Je me souviens qu'en tout cas, moi, dans mon conservatoire, à la première année, il disait très clairement, la première année... on détruit tout ce qu'il y a à faire, et puis après, à partir de la deuxième, on vous reconstruit. Déjà, voilà. Donc pour vous, l'art, c'est de détruire les gens, c'est et ça. Puis les reconstruire. Mais c'est vraiment hautement problématique. Je veux dire, on a tous eu les mêmes discours quand on est rentré en première année au conservatoire, plus ou moins, tu vois, de cet acabit-là. Et c'est quoi, en fait, c'est notre... en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est maintenant que je donne des ateliers. Je fais tellement pas ça. Et j'arrive tellement à voir les gens s'épanouir que je me dis, why? Oui. Tu vois, genre, personne n'a remis en cause ce truc, tu vois. Et généralement, les personnes qui en ont le plus ouvert sont devenues les profs les plus sadiques. Donc, en plus, c'est une sorte de vortex cyclique comme ça, d'abus de pouvoir que, ah, moi, on me l'a fait, alors je vais te le faire encore pire. Enfin, je veux dire, c'est hyper malsain et c'est hyper toxique. On voit que les profs sont en souffrance et sont peut-être, en fait, juste des grands ados qui n'ont pas grandi non plus, tu vois. Et qui, enfin, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à donner des ateliers ou quand même j'ai commencé à donner cours, tout simplement, alors moi j'ai fait la grecque, mais j'ai arrêté parce que j'étais pas d'accord avec la psychopéda. Je trouvais qu'on formait de nouvelles victimes, donc voilà, ça me dérangeait vraiment très très fort. Et mais quand j'ai commencé à donner cours en freelance ou mes ateliers maintenant en slam, je fais hyper gaffe à ça parce que en fait, je vois le pouvoir que je pourrais avoir sur les gens et j'ai pas du tout envie de ça et j'ai pas du tout envie de les casser ou de les faire à mon format. Et je dis toujours, c'est personnel ce que j'aime bien. Mais du coup, je vais pas te prendre et te dire, tiens-toi plus droit, mets-toi pas comme ça, joue plus ceci, joue plus cela. Je vais pas faire ça. Je vais travailler qui tu es. C'est toi la matière du truc, tu vois. Pour moi, c'est ça l'art. Enfin, je sais pas si c'est que ça l'art, tu vois, mais je trouve ça plus respectueux de prendre une personne avec tout ce qu'elle est, toute sa maladresse, toute sa timidité, tout son univers interne qui est déjà là. Parce que moi, en faisant des ateliers de slam, vraiment, je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'avait pas d'univers intérieur. On a un univers intérieur puisqu'on est la seule personne à être dans nos chaussures et à percevoir le monde comme on le perçoit, en fait. Et en fait, il y a des univers intérieurs. Ils sont peut-être pas encore... Les gens ne sont peut-être pas encore au courant qu'ils les ont. Mais c'est à toi d'aller chercher ça, en fait. De leur faire voir, en fait, la richesse de leur univers intérieur, quoi. Et tout le monde en a. Même si tu as des stars que tu aimes bien et que tu as fait des croisements de stars que tu aimes bien, c'est ton univers intérieur, enfin, tu vois. Ah oui. Il y a rien qui a, et personne qui a pas d'univers intérieur, quoi. Et c'est ça qui, et je pense que c'est ça qui m'attriste le plus quand j'ai un regard maintenant sur le conservatoire ou sur les études, tu vois. C'est qu'en fait, il y a tellement plein d'autres chemins que voilà, j'accepte plus en fait qu'on me dise on a fait comme ça. Enfin oui, vous avez fait comme ça, c'est pas grave. Après, il y a un truc de culpabilité à se retirer. Juste, voilà, j'ai fait de la merde. Je dis, c'est ok, moi aussi j'ai fait de la merde au conservatoire. Je veux dire, c'est, on est dans un truc pas ok. J'ai fait des trucs pas ok. Mais maintenant, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que maintenant que je sais qu'il y a un autre chemin, des autres chemins, ben, ma manière à moi de réparer ce truc, enfin réparer, peut-être pas de réparer, mais d'être en alignement avec moi-même, c'est de me dire, ok, j'ai fait la merde à ce moment-là, pour X raisons. Je ne savais pas où j'étais enrôlé dans un truc, ou j'étais tellement mal que je voulais détruire l'autre, peu importe les raisons, en fait. Mais maintenant, c'est ça mon truc, c'est que maintenant, je le sais, j'ai un regard sur ça, je vais essayer de donner autre chose, de faire autre chose concrètement, quoi. Et voilà, et la culpabilité, voilà, on a fait de la merde, on a fait de la merde. Je veux dire, quand on regarde les années, si tu regardes les clips des années 70, c'était pas ok. Si tu regardes les émissions des années 80, c'était pas ok. Ouais. Si tu regardes même les émissions qu'il y a maintenant, il y en a toujours qui sont pas ok. Essayons de changer alors ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on propose de nouveau ? À fond. Et c'est bien si dans 20 ans, on regarde ce que nous, on est en train de faire là maintenant et qu'on fait oulala. C'était pas ça, ok. C'était pas et okay. Qu'il y aura encore eu de l'évolution depuis. Exactement. Mais de ouf, mais moi, mieux. Je serais. Mais bah moi, oui. Quand on me dit, t'as retourné ta veste ou t'as changé ou truc comme ça, je fais. Oui, c'est le but en fait. Peut-être pas retourner sa veste, mais en fait, c'est bien on de la changer de temps quoi, en temps, sa ouais. Veste, tu vois, déjà. Reste pas avec la même toute ta vie. Et puis changer, ben oui, en fait. Je suis ouais. Fière en fait d'être là et dire ce qui s'est passé dans le passé n'était pas ok. Ouais. Et maintenant, je vais changer. Et peut-être que ce que je fais aujourd'hui ne sera pas ok pour demain. Et ben, je me changerai encore, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment cette conviction-là maintenant. Et peut-être parce que je prends plus de la drogue, j'en sais rien, que je suis sobre et clean et tout ça, mais c'est ok d'avoir fait des bêtises en fait. C'est ok, mais changeons. Tu vois, mm-hmm. Moi, c'est ça qui me fait perdre ma culpabilité. C'est d'appliquer un changement. Ouais. Tu vois, en me disant, ok, j'ai fait de la merde là, eh ben, j'essayerai de ne pas faire de la merde demain. Et si demain on me dit que c'est ça, c'est de la merde, eh ben, je rechangerai encore pour que ce soit le plus juste possible. Ou dans la justesse, en tout cas. Yes. Ben, merci pour ça. Pour revenir un petit peu au fil que je tirais au début, mais merci beaucoup de l'avoir triturer dans tous les sens comme ça. Comment est-ce que t'es passé du coup de cette sortie de conservatoire et de cet univers théâtre dans lequel t'avais l'air en tout cas de tracer un sillon aussi incertain soit-il vers le slam comment en 10 ans de non au travail surtout. Je pense que c'était violent la sortie de parce qu'à la fois on dit que c'est pas ok ce qui s'est passé dans ces écoles et à la fois c'est t'es beaucoup plus accepté qu'à l'extérieur, quoi. Parce que alors là, après, tu te prends la vie extérieure en... dedans, quoi, que ce soit dans les castings, etc. C'est encore plus violent après. Puis cette réalité qui est, en tout cas à l'époque, qui était... je peux pas postuler pour des rôles que je veux, puisque moi, je me genre pas, tu vois. Même si j'avais pas de mots, hein, à cette époque-là, en fait. J'étais pas attirée par les rôles, tu vois ce que je veux dire. Dit féminin. Voilà. Ouais. Ou si j'étais attirée par les rôles dit féminin, c'était pas des rôles qu'on imaginait qu'une personne racisée pouvait faire, ou... une personne tatouée, ça aussi, parlons-en. Hein. En tant que comédien, notre corps va être, tu vois... Vierge de tout nouveau, machin. Hein, ouais, oui, mais voilà. Le réceptacle ouais, oui, voilà, pour c'est les ça. Désirs du metteur en scène. Et moi, je me suis toujours tatouée. Je suis arrivée au conservatoire, j'étais tatouée. Pas autant que maintenant, mais j'étais déjà tatouée. Et voilà, on m'a dit, bah, tu ne travailleras pas, tu fais des tatouages, machin et tout. Et on me le dit encore parfois de temps en temps. Hein. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que mieux je vais, parce que peu importe que ce soit des tatouages ou autre chose, mais mieux je vais, mieux je suis dans ma peau. Mieux je suis apte à être sur scène, je pense. Ok. Voilà. Et donc, pour t'expliquer, faire vite en réel, parce que je sais que je parle non, beaucoup. Non, mais le retour, mais après, c'est passionnant. Mais... j'adore blablater. c'est une parole importante. Je pense que c'est une parole qu'on n'entend pas assez. Mais donc, voilà, il y a eu 10 ans de galère, si tu veux, ouais. En gros. Il y a eu cet enfermement dans un monde de travail pour survivre, dans l'Oreca, hein, qui m'a fait survivre, parce que sinon, j'avais pas de quoi, tu vois. Et il y a aussi l'abus très fort de drogue et tout ça, parce que c'était trop dur, quoi. C'était trop dur de... Même si vous avez dit au conservatoire, il n'y en a que un sur trois. Regardez-vous à droite, à gauche, il n'y en a que trois qui travailleront dans cette classe, tu vois, des trucs horribles qui font ça. Voilà. Donc, on ne t'apprend pas non plus à créer ton propre emploi, tu vois, ça c'est vrai, on n'en parle pas. On parle du statut. Alors là, le statut, c'est l'impression que c'est le service militaire, tu vois. Donc, tu fais genre, ok, le statut, ça ne va pas être pour moi. Et... voilà, 10 ans de galère, 10 ans de drogue, 10 ans de fête, beaucoup aussi, hein, je renie pas tout ça. Hein. Jusqu'au moment où il y a un truc qui craque, en fait, tu vois, où ma vie, ça n'a plus de sens, en fait. Je vis pour travailler, pour payer mon alcool ou ma drogue, et puis, tu vois, je n'ai pas de vie. J'ai plein de choses que j'ai envie de gueuler au monde. D'ailleurs, les gens me disent, très bien, tu devrais faire de l'art. mais j'ai pas de... Je sais pas comment on fait, en fait. Et comment t'en es venu à pousser la porte d'une soirée slam ou d'un atelier slam? Bah parce que du coup, il y a eu cette histoire qui est dans depuis que n'a pas tiré, tu vois, il y a eu ce braquage, donc il y a eu un changement de boulot, il y a eu un nouveau boulot et puis il y a eu un braquage dans justement ce donc boulot. Juste, je me permets de te couper, mais pour resserrer, donc depuis que tu n'as pas tiré, c'est un spectacle que tu oui, as créé en 2022. C'est un bootleg d'abord à la base. Oui. Voilà, donc c'est un recueil de poésie slam, on va dire, mm-hmm. je sais pas, entre conte et slam, qui s'appelle Depuis que tu n'as pas tiré, et du coup que j'ai écrit suite à un braquage dans un restaurant où on m'a braqué, enfin où c'est arrivé à moi, je veux dire. Et en fait, après, j'ai écrit ça parce que j'avais décidé de mourir. Et que ma psy m'a dit c'est bien d'écrire pour faire la paix avec la vie, parce que moi je voulais partir en paix avec la vie. Et donc j'ai écrit ça, et puis après je l'ai envoyé à une amie qui m'a dit envoyez-la un concours. Du coup, la relectrice du concours, elle m'a dit ce que tu écris c'est du slam. Alors moi j'ai fait comme Grand Corps Malade, je ne trouve pas. je connaissais que Grand Corps Malade, donc là, je ne pense pas. Elle dit non, le slam c'est beaucoup plus grand, pousse une porte. Et la première porte que j'ai poussée c'était les fleurs du slam, 2020, du coup, je pense. 2019, 2020, on s'en fout. Et du coup, je marchande déjà avec ma patronne. Je lui dis, parce que normalement, c'était un dimanche. Hein, et dimanche, c'est brunch au restaurant, là où tout s'est passé, hein, où j'ai écrit depuis que tu n'as pas tiré. Et du coup, normalement, brunch, c'est full. Et là, il n'y a personne. Parce qu'on m'a dit, ils ne prennent que 10 personnes dans la salle, les 10 premiers inscrits. Au fleur du slam, peut passer leur texte. Eh oui. Et du coup, je dis à ma patronne, il y a un truc super qui m'a... Enfin, on m'a parlé d'un truc super, j'aimerais vraiment bien y aller et tout. Est-ce que c'est OK si je pars et tout? Elle me dit, bah, écoute, il n'y a personne. Vas-y, je sens que ton destin est au bout de ce chemin. En plus, elle m'a vraiment dit un truc comme ça pour rire. Oh, wow. Elle m'a vraiment dit un truc comme ça pour rire. Et en vrai, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, j'avais pris une chemise dans mon sac et je me suis vite changée. Et j'ai couru au 140. Et en fait, j'étais la 9e personne sur la liste. Donc c'était tout juste quoi, parce que, enfin moi je ne savais pas, mais c'est la plus grosse soirée de slam de Bruxelles en fait, où il y a tout d'accord. le monde, où on réunit en fait des personnes en vue dans le slam, des gens qui ont fait les ateliers toute la journée et qui vont pouvoir performer le soir aussi peut-être pour la première fois, et puis 10 personnes comme ça qu'on prend, qui s'inscrivent sur la liste quoi. Et donc j'y vais, je passe mon texte, c'est là que je découvre tous les petits codes du slam, les snaps de doigts, la bienveillance proactive. La première personne qui m'accueille, c'est Camille Pierre, qui est aux entrées et qui me met sur la liste. Et déjà, je me fais « Waouh, ça a l'air d'être trop bisounours tout ça !» et du coup, je performe mon texte et il y a plein de petits snaps dans la salle. Et donc je me dis « Bon, c'est que c'est pas trop mal. » Et je sors de scène, je suis un peu stressée. Il y a mes amis qui sont venus me rejoindre en mode la personne qui m'a dit « C'est une soirée slam, vas-y, me rejoins avec des amis qui sont là. » Et voilà. Et en fait, je sors pour aller faire pipi à un moment. Et Elisette Lombé me dit « Toi, ne bouge pas !» Et moi, je m'arrête, je freeze. Et j'étais là, je te fais pipi. Et elle parlait à quelqu'un. Et puis, elle vient me dire « C'était magnifique ton texte, mais qui es-tu? Que fais-tu? Voilà. Quelle est ton actu? Depuis quand tu slames ?» C'était ma première fois, on va bien se calmer. Et voilà. Et ça va aller très vite après, parce qu'en fait, elle va me dire « Je fais une soirée afro-descendance au Beaux-Arts. Est-ce que tu veux participer ?» Moi, je pense que c'est le lendemain, donc j'écris un texte pour le lendemain, alors que c'était dans 6 mois au Beaux-Arts. Rien, écoute. En plus, j'étais choquée par le terme afrodescendance. Je savais pas si je pouvais, du coup, me permettre de m'appeler comme ça. Donc, elle va m'expliquer vite fait ce que c'est. Je vais dire, oh waouh, je savais même pas que je pouvais m'appeler afrodescendance. Enfin, que je pouvais faire partie des afrodescendants. Le slam, ça te reconnecte aussi à tout ça. Bien sûr. Wow. En un coup, comme ça, hyper sec. Et aussi, en fait, pour pouvoir aussi parler de ma singularité, qui est que je suis une personne racisée, mais je n'ai pas de culture africaine, puisque j'ai été élevée par ma famille côté blanc, qui est aussi ma vraie famille. Hein. Ma maman est blanche et mon papa est africain, ghanéen. Et du coup, je suis dans cette particularité de j'ai une éducation blanche, je suis un Bounty, comme on dit là-bas, mais je n'ai que ça comme culture. Je suis retranchée d'une partie de ma culture. Donc tout ce qu'on projette sur moi d'étranger, étrangère, c'est marrant, c'est ma précarité belge. C'est l'accent carolo, oui. C'est la, enfin, voilà, la précarité belge de Charleroi, quoi, en gros. Ouais. Mon côté street, genre, moi, je ne sais pas si j'ai un côté street, j'ai été élevée dans une rue de petits vieux Charleroi à Marcinelle. Oui, c'est ça. Mon côté street, c'est, je ne sais pas c'est quoi, mais voilà, donc je comprends en fait qu'il y a oui, donc ce qu'on appelle parfois baraki. Oui, c'est en fait, ça. C'est ça ton altérité, plus que l'altérité que tu vis vraiment toi. Tout à fait. Oui, je sens que je vis plus de classisme. Enfin, pas de plus de classisme, en fait, c'est mélangé. C'est ça l'intersectionnalité, en fait. C'est qu'en fait, moi, je ne comprenais pas que le classisme et parfois le racisme systémique qui m'était adressé en fait, se mélangeaient. Enfin, pour moi, c'était très mélangé dans ma tête. C'est comme quand on me parlait, tu comprends ce que je veux dire ? Je disais, c'est parce que j'ai un accent, qu'on me parle comme ça, un accent carolo. Hein. donc, il faut que je gomme mon accent. Tout était vraiment très, très mélangé. C'était très compliqué pour moi de comprendre, que mon cerveau comprenne qu'est-ce qui m'était adressé. Surtout que pensant que pour moi, le racisme, comme je l'ai vécu dans ma famille blanche, c'est-à-dire du racisme ordinaire, c'est du racisme de personnes étrangères. Pas de personnes juste avec une couleur de peau différente. Alors, oui. On les reconnaît par leur couleur de peau, mais ce qui était embêtant, je pense, dans ma classe sociale, c'était qu'ils viennent prendre nos boulots, ils ont d'autres coutumes que nous, des choses comme ça. Mais moi, j'étais quelqu'un, j'avais les mêmes coutumes que les Blancs, donc je ne comprenais pas pourquoi on me disait que j'étais étrangère. J'étais là, genre, je ne comprends pas, parce qu'on a été élevés ensemble. Calme-toi, Cédric. Donc, du coup, c'était assez particulier, mais donc ça me renoue effectivement avec la possibilité, non pas de renouer avec ma culture, mais de pouvoir m'identifier. Le slam, ça permet ça, puisque tu dois être l'autoriste de ton propre texte. Ça me permet de poser une pierre, genre je me trouve là, au milieu de toutes ces chaises, oui. Et donc, je peux vous parler à chacun d'entre vous avec le bout de cul que j'ai sur la chaise, en vous disant c'est complètement débile. Voilà, ça m'a permis une énorme liberté en slam. Qui fait qu'après, à cette soirée, il y a tout le monde, il y a Mélanie Godin des Midi Poésie, il y a Maestrom, il y a Rosa Gasquet chez Les Arts Urbains, enfin, il y a vraiment, Florent Ledune de Francophone, enfin, tous ces gens vont me repérer un petit peu, ils vont me dire c'est quoi ton actu. Pendant la soirée Beaux-Arts ? Ouais. Alors non, pendant la soirée Les Fleurs du Slam. Ah, toujours aux Fleurs du Slam ? Ah oui, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait tout le monde. Même des institutions et tout. Oui, il y avait tout le monde. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des institutions pour ça. Enfin, c'était dingue, quoi. Et donc, on me présente tout le monde. Moi, je suis là, genre, c'est hyper drôle. Alors, avec des gens que j'ai peut-être déjà croisés dans le milieu théâtre, mais qui, là, me découvrent, du coup, sous un autre jour. Et c'est hyper bizarre parce que, du coup, tout le monde me demande, c'est quoi ton actu ? Mon actu, c'est que je travaille dans un resto et que je viens de me faire braquer. Mais je n'ai rien d'autre à dire. Sauf que j'ai envoyé le livre à un concours. Et 3 jours plus tard, je reçois un SMS en disant le livre, enfin, tu es lauréate, tu vas être publié, quoi. Donc, du coup, je réponds à tout le monde, ah ben en fait, j'ai une actu, je vais sortir un livre. Mais voilà, et du coup, les choses vont se faire très vite. Après ça, on va me dire, envoie ton dossier pour les arts urbains, parce que les arts urbains sélectionnent chaque année, tous les 2 ans, 3 personnes en slam, 3 personnes en danse ou groupe, ou 3 personnes en rap ou groupe, qui prennent sur l'oreille pendant 2 ans pour faire un management de carrière. Je vais l'envoyer, je vais être sélectionnée. David de chez Maelstrom m'a proposé directement d'avoir une carte blanche pour un autre livre. Voilà, depuis que tu n'as pas tiré, va marcher. Je ne sais pas pourquoi, c'était Covid, j'en sais rien, les gens, je ne sais pas. Enfin, ça va aller très très vite et ça va faire effet boule de neige jusqu'à maintenant, où je suis toujours sur cet effet. En fait, là, je surfe encore sur la vague d'il y a 4 ans. Je ne sais pas si à un moment elle va retomber, ça me fait un peu peur, mais en même temps, j'essaie de la mettre à profit parce que je pense que c'est une main tendue. Ouais. Et que j'avais dit à ma psy. Si la vie me tend la main, je l'attrape et je ne la lâche pas. Ben, je ne l'ai pas lâché du coup. Donc les 500 jours, ils ont été dépassés depuis longtemps. Eh ben, incroyable, incroyable. Écoute, vu que l'heure tourne, on va s'écouter le deuxième morceau que tu nous amènes aujourd'hui. Et ben, ça résonne très très bien avec tout ce qu'on vient de dire. C'est toujours du Lara Fabian. Oui. I am who I am. On vous laisse en compagnie de Lara Fabian et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Eh ben merci de nous amener Lara Fabian comme ça. De rien. C'est fou parce que j'avoue que moi, je n'ai écouté que Je t'aime et ce genre de gros hits. Et ça fait du bien de découvrir d'autres morceaux. Suite, ouais. Ouais, plein d'autres choses que Lara Fabian nous amène. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Lara Fabian, nous sommes là pour continuer à parler de toi. Alors, donc tu nous disais que là, tu étais toujours sur la vague depuis que tu n'as pas tiré. Parce que donc oui, on l'a évoqué un petit peu rapidement, mais donc depuis que tu n'as pas tiré, c'est devenu un spectacle. Oui. Que tu joues avec une pianiste qui accompagne le spectacle. Avec Chloé Dutrèfle, en duo, vraiment, on fait vraiment un duo sur scène. Elle est pianiste multi-instrumentiste et aussi avec des sons électro. Voilà, donc on a fait ce spectacle-là. Et donc ça continue de tourner. Ça continue de tourner. Oui, d'ailleurs, vous étiez au festival de Spa cet été. Oui. Oui. Pardon. Non, je me dis, non, mais je viens de recevoir un prix du coup pour le texte. D'accord, waouh, bravo. En texte dramatique, pardon, L'Espiègle, voilà. Du coup, c'est assez chouette, on espère que ça va un peu relancer la tournée et tout ça. Si vous nous écoutez, nous sommes programmables, joignez-nous. Et du coup, parce que tu as parlé d'une carte blanche sur un deuxième livre qu'on t'avait donné. C'est ça, et voilà. Et le deuxième livre, c'est Sous le noir du tarmac. Qui comporte en fait les textes que j'ai faits dans les championnats, les principaux textes, Afrodescendance, Roméo plus Juliette, Bravo, Haute Colon, etc. Qui sont donc c'est un recueil de textes. De textes, de recueils de poésie islam, quoi. Ouais. Oui, qui comportent mes gros hits que j'ai vraiment faits et que j'ai tournés avec dans toute la Belgique francophone et aussi dans les concours internationaux, quoi. Voilà, et après mon troisième livre, c'est Meute, qui est aux éditions de Midi Poésie. Voilà, qui est dans un autre style, mais que j'adore aussi. Franchement, il est assez chouette. Et voilà. D'accord, et puis tu continues à tourner dans des scènes slam aussi. Ouais, dans vraiment, des cabarets queer, etc. Le plus, entre les scènes slam et les ateliers. Alors moi, ce que je fais, c'est ce que j'adore, c'est que j'ai complètement mêlé mon travail artistique à mon travail social, en fait. Et donc, moi, je vais donner des ateliers avec les jeunesses musicales dans les écoles secondaires, dans toute la Belgique francophone, mais aussi dans plein d'autres associations, en fait, que ce soit des hôpitaux psychiatriques, des foyers pour femmes battues, tout type de personnes qui veulent m'accueillir, des centres de jour, des IPPJ, voilà. Et c'est vraiment un truc qui m'a reconnectée, en fait, avec... Je pense que si j'avais fait que de l'art comme ça, sans une portée sociale, je pense que ça, je ne m'y retrouvais pas beaucoup. Et en fait, ça, c'est vraiment mon gros dada, même si ça peut être prenant. Tu vois, quand on va travailler, je travaille avec des MENA aussi parfois. Donc ça, c'est des mineurs étrangers non accompagnés. C'est ça, oui. C'est ça, c'est des personnes qui sont en parcours de migration. C'est ça, et qui sont seules, qui sont adolescents, quoi. Ouais. Mais voilà, donc c'est très, très fort, mais ça a complètement donné du sens, en tout cas, à ma vie. Pour rebondir sur le fait que je n'arrivais pas à donner du sens à ma vie et que j'avais dit dans 500 jours c'est fini, parce que si c'est que ça, alors ça... Là, ça a vraiment donné du sens à ma vie de pouvoir faire tout ça et de vraiment pouvoir mêler ma pratique artistique et sociale. Waouh. Alors, de ce que je comprends, ça t'amène aussi dans des endroits qui sont moins queer, moins justement afro-descendant ou afro-descendant friendly ou queer friendly, dans des plus grosses associations, etc. Comment est-ce que tu gères, alors c'est un peu une question tarte à la crème que d'ailleurs je pose souvent dans l'émission et qu'on se pose souvent en tout cas dans les milieux queer, comment est-ce que tu gères ce rapport aux institutions, à une certaine tokenisation qui pourrait, qu'on pourrait essayer de t'imposer ou d'obtenir malgré toi, en te programmant? C'est quoi ta position par rapport à tout ça? Je pense que c'est extrêmement délicat. La première fois que j'ai entendu le mot token, c'était dans la bouche de militantes qui disaient qu'il ne fallait pas se laisser tokeniser. J'étais là, ouais, mais sinon, moi, je ne travaille pas. Du coup, je travaille enfin depuis 10 ans. C'est chaud de devoir dire non parce que maintenant, vous avez mis un mot dessus. J'étais là, c'est un peu fort de pompon, ça, quand même. Mais après, du coup... Je ne sais pas, j'ai lu du coup énormément sur ce que ça voulait dire, le tokenisme. Moi, je pense que c'est inévitable. En plus, moi, je suis banco là-dessus. Je veux dire, je suis une personne trans, de genre fluide, racisée, qui vient d'un milieu précaire. Enfin, je veux dire, s'ils m'invitent moi, en gros, ça sauve la soirée. C'est vrai, j'ai le cul sur tellement de chaises que voilà. Je n'ai juste pas de handicap, mais je suis neuroatypique. Alors du coup, je n'ai pas du handicap, je ne suis pas porteuse de handicap physique visible, on va dire. Oui, c'est ça. Mais je suis neuroatypique, donc même là-dessus, ça valide aussi une case. Donc du coup, c'était très compliqué parce que je me disais, mais en fait, et en même temps, moi, j'essaie de travailler des institutions avec qui je me sens bien, avec qui je sens un feeling. Après, est-ce que de toute façon, oui, je remplis leur agenda, mais ça, c'est la part de tous les artistes. J'ai l'impression qu'on vient avec une thématique ou un truc, ben, on remplit un certain agenda, on vient faire une mission, en fait. Donc moi, ce que j'essaie de faire là-dedans pour détricoter, c'est toujours essayer, en fait, que ça fasse bouger les choses à un endroit, de voir à quel point je suis tokenisée, pourquoi. Je le fais rarement pour de l'argent, Genre, j'ai une petite anecdote comme ça, on m'a demandé d'aller à Dubaï, et j'ai fait non, slammer devant qui? Ah ouais, on m'a pas répondu, j'ai dit si on me dit pas devant qui je vais slammer, je ne prends pas. Et c'était très, franchement, c'était très bien payé, et c'était Dubaï quoi. J'aurais franchement pu dire oui, j'ai dit bah non, j'ai l'examen de mes élèves, je viens pas. voilà, mais je me rendais compte que c'était une grosse opportunité, mais moi, tant qu'on me dit pas sur, devant qui je vais slammer, pour qui, qu'est-ce que je fais comme travail social à côté, etc., j'ai dit pour moi c'est trop flou, je veux pas quoi. Après, je me suis retrouvée à Oxford par exemple, ça c'était complètement improbable. Alors, il y a une délégation d'Oxford à Gand, donc c'était à Gand, mais c'était l'université d'Oxford. Ouais. Et parce qu'il paraît que ma poésie c'est un écotone, donc c'est un. Quand deux milieux se rencontrent, soit ils peuvent se combattre l'un l'autre et un qui gagne, soit au point de rencontre, ça crée un nouvel écotone. C'est beau, enfin, une sorte de nouvelle façon de faire, quoi. Et du coup, ils avaient dit que ma poésie, c'était un écotone, puisque je suis intersectionnelle, de plein de choses, même au niveau langage. Et du coup, je me suis retrouvée à slammer en anglais devant des universitaires d'Oxford. et après, j'ai changé français-anglais, tout ça. Et j'étais là, mais c'est complètement incroyable, je suis à Oxford, quoi. si, mais, ouais. mes profs qui me regardent, là, je suis à Oxford. Sans orthographe, né. voilà, donc c'est des trucs un peu plus marrants comme ça. Mais après, c'est compliqué parce que parfois, on reproduit très, très vite du néocolonialisme, en fait. Moi, j'ai surtout cette impression-là. Et que comme j'essaie de très vigilante à ça, c'est pas facile. Je sais pas si j'ai rencontré l'anecdote aussi où j'étais invitée à La Monnaie avec Abdulrazak Gourna, le prix Nobel. Et c'était très chouette de nous inviter et tout ça, mais très très vite la soirée pour des petits trucs, des petits chaos, des petits machins, j'étais là, en fait, c'est pas ok. C'est pas ok. Ils ont essayé de faire attention, mais en fait, très très vite, on retombe dans du néocolonialisme. Et il n'y a pas que là, hein. Je cite cet exemple-là parce que je l'avais publié sur les réseaux et qu'ils le savent. Mais... Pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux citer par exemple des petits exemples d'indices qui t'amènent à dire tiens, là, il y a des logiques néocolonialistes qui se remettent en place, des petits. Pour se rendre compte, ça peut passer par quoi? Parce que parfois, on ne se rend pas compte quand on n'est pas concerné de... Par exemple, qui vous invitez à un événement qui parle, qui est autour d'un auteur afrodescendant? Qui vous invitez par rapport au fait qu'il défend... je ne sais pas si je dois parler de cette soirée-là ou d'une autre soirée, mais j'ai l'impression que souvent, en fait, c'est des organisations bienveillantes qui veulent pointer ou rendre hommage à quelqu'un qui a fait un taf. Alors, le problème, il y a aussi toujours que j'ai l'impression que dès qu'on est personne racisée, on va plus dire « Waouh, vous êtes un super raconteur d'histoire ». En fait, non, mais ce que j'écris, c'est aussi politique. Ce n'est pas que mon témoignage. J'écris mon témoignage parce qu'il est politique. Donc, on va essayer de diviser, en fait, très fort le côté histoire et politique. Or, pour moi, c'est deux choses complètement intégrées. Et donc, je ne pense pas qu'un auteur comme Abdulrazak Gourna raconte des histoires. Et je pense que il raconte pas que ça. Oui, c'est un storyteller, mais c'est pas que ça. Et du coup, qui on invite autour? Est-ce qu'on invite des associations qui sont encore aux premières lignes? Ou alors est-ce qu'on invite du gratin bourgeois qui vient juste écouter des choses qu'il sait déjà avec des places à 35 euros à La Monnaie? Voilà, ouais. Je ne sais pas trop quoi. Alors qu'il y a des associations qui sont là, qui se battent en Belgique, qui viennent du même pays qu'Abdulrazak. C'est déjà arrivé sur une autre scène où on parlait de culture à deux vitesses comme ça. Et en fait, il y avait un panel qui était là. Moi, j'étais dans un panel de discussion. Et à la pause, il y avait des chanteuses qui viennent d'Amérique du Sud notamment, mais donc qui sont une culture très peu représentée, dans le sens où, oui, il y a des chanteuses latino-américaines du Sud, mais est-ce qu'on entend leur musique traditionnelle? Donc c'était ça, les cultures à deux vitesses. Le panel était sur ça. Ils les mettent pendant la pause, et en fait, comme on avait pris trop de retard, normalement c'était un concert, puis on mange, puis on reprend le panel, et comme on avait pris trop de retard, elles ont joué pendant le concert, pendant qu'on mangeait. Et en fait, tout le monde est allé bouffer derrière et personne n'est resté sur scène. Et j'étais là, mais en fait, vous vous rendez compte de ce qu'on vient de parler de culture à deux vitesses. Et là, vous embauchez deux petites jeunes qui font de la musique magnifique entre musique culturelle américaine du Sud. J'espère que je dis bien Amérique du Sud, je ne suis plus sûre parce que ça fait un petit temps. Mais je veux dire, c'était mélangé en chant traditionnel et truc qu'elle reprenait comme ça avec deux voix magnifiques. J'ai oublié le nom de groupe, j'ai dans le souvenir, mais... J'ai oublié, mais... Et du coup, en fait, ils sont partis bouffer et ils n'écoutaient plus. Et j'étais là, mais en fait, là, vous reproduisez totalement ce qu'on vient de parler pendant tout le panel. Vous vous rendez compte? Parce qu'on a pris du retard. On a pris du retard. Et donc, du coup, quoi? C'est les chanteuses qui doivent jouer pendant qu'on mange. Enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin, mais oui, ben, on voilà, voit très vite qu'est-ce qui est sacrifié, qu'est-ce qui est... Exactement. Mais en même temps, on était un panel de personnes racisées. Et donc, du coup, je pense que il y a quand même des hiérarchies qui se font, en fait. Ouais, oui. Et en fait, moi, quand on a repris le panel, on m'a demandé justement une question sur le tokenisme. Je dis, mais ça, pour moi, c'est du... Enfin, le problème, si ça n'allait pas frotter quand je vais dans des institutions. Et je leur ai dit, mais ce qui vient de se passer là, maintenant, c'est ce qui vient me frotter. Pourquoi on a décidé qu'on allait manger pendant leur concert? Parce qu'on a pris du retard. On a pris du retard, c'est votre organisation, en fait. Pourquoi c'est la culture musicale qui doit sauter, du coup, par rapport au panel? Enfin, voilà, je leur ai dit, ils s'en sont excusés, tout ça. Et je vois bien que c'est pas, ça part pas d'une mauvaise intention. Mais l'enfer est pavé de pas mauvaise intention. Mais voilà, du coup, c'est plein de petits trucs où il faut être en permanence en vigilance, en fait, quand tu fais tokeniser. Parce que, et en vigilance, et parfois, tu te retrouves impuissant. Enfin, moi, la monnaie, je ne savais pas quoi faire, en fait. J'étais là, oui, il y a des gens qui veulent parler, mais en même temps, moi, j'ai un timing bien serré, on m'a payé pour une prestation. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Après, est-ce qu'il fallait écouter une chorale de gens blancs avec une personne noire au milieu pendant 2 heures? Je ne sais pas. voilà, c'est une question de bien ficeler son truc. Mais en même temps, chacun se reporte sur l'organisation qui n'a pas été faite comme machin, etc. etc. Et ça. L'administration, je pense que c'est le pire néocolonialisme du monde. Eh bien, on va rester sur cette belle note finale, mais avant de te laisser repartir, j'ai quelques petites questions rituelles à te poser. Alors, tout d'abord, bon, on en a beaucoup, beaucoup, enfin, tu en as beaucoup, beaucoup parlé, mais sans le slam, tu serais devenu quoi? Tu serais devenu qui? Je pense que je serais plus là. Hmm. Mais, ou alors je serais encore là, mais je sais pas si j'aurais... C'est pas le slam qui m'a sauvé. Enfin, le slam ne m'a pas sauvé la vie de la drogue, l'alcool et tout ce que j'ai pu faire. C'est pas le... parce qu'on l'a dit souvent ça dans les journaux. C'est pas le slam qui m'a sauvé la vie de ça. Le slam m'a sauvé la vie du patriarcat capitaliste. Il m'a donné une voix là où je me sentais étouffée. Merci. Alors, si tu as tout le budget du monde pour un show, tu fais quoi? Vas-y, lâche-toi. Oh là là, alors j'hésite très fort. Je peux en faire en deux parties, parce que je ne sais jamais choisir. Hein. Je suis ascendant scorpion, mais tout est en balance. Dans trucs. Alors attention. Ou alors je fais un show où on fait vraiment un show où on invite le plus de personnes possible, parce que je trouve qu'on manque de shows où tout le monde est bien payé et qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau. Donc ça, c'est mon côté humaniste et faire travailler les potes. Ou alors, parce qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir à faire un drag show. Parce que, oui, je sais. Et j'ai été aux initiations des pots de minuit et tout ça. Voilà, donc ça tourne très, très fort. Donc à faire du drag toi-même. Ouais, du drag cuir. Okay. Parce que en fait, je ne me retrouve pas non plus dans mon premier métier qui est le théâtre, parce que je pense que ça manque de... Voilà. Et en plus, je viens de l'opéra, hein, comme je l'ai raconté. Et donc, ce serait pour moi une merveilleuse manière de mêler les deux. Et là, je pense vraiment très, très fort à un drag show. Voilà, j'en dis pas plus. Mais ça concerne entre autres des vilains Disney et entre autres des duos éducatifs. Parce que j'aime bien quand même faire de l'éducation. Oh, waouh! Alors, non, je vais le dire. Genre reprendre des duos célèbres, mais faire des petits trucs de « bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce duo ?» D'accord. Et de casser, mais de chanter en live, surtout. Ah. Voilà, et ça, et les vilains Disney, ça, j'aime bien. Ça, mais ça serait, je me ferais un trip là-dessus. Okay. Avec une grosse équipe, tiens. On va mêler les deux. C'est du gros. Ben voilà, grosse, c'est ça. C'est et ça. Mes tripes vilain Disney et. Éducation. Duo pas ok et comment on les déconstruit. Waouh, ça c'est du teasing. Voilà. Est-ce que vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Ouh là là, en ce moment c'est une grosse question, ça. en ce moment on se parle beaucoup. On est beaucoup en phase de réapprentissage, lui et moi. Et je suis très émotionnelle. Je peux le dire ou pas? C'est toi qui choisis. Je viens de faire une torsoplastie. Je pense que c'est à la fois la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'en fait, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui partaient de là, de la dysphorie aiguë que j'ai avec ma poitrine. Que j'avais, du coup. Et du coup, là, je suis en réapprentissage total de redécouvrir ce que ça fait. Mais je suis très émotionnée parce que je pense que ma vie aurait été totalement différente si j'avais retiré ma poitrine plus tôt. Vraiment. Mmh. Genre, je me regarde le matin dans la glace sans pleurer pour la première fois depuis 35 ans. Et ça change beaucoup sur ton moral et ta psyché. Du coup, je me lève un peu plus pompée que d'habitude. Et en plus, c'est tout frais, ça, quelques semaines. C'est tout frais. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je dis qu'on parle beaucoup parce que voilà, il y a les cicatrices en cicatrisation et tout ça. Ouais. Mais je me sens... c'est le jour et la nuit, quoi, quand même. Je pensais pas que ça allait me faire autant de bien. Et par contre, j'aurais voulu la faire plus tôt, je pense, si on m'avait laissé le choix. Je n'ai jamais voulu de cette poitrine, donc... Eh ben, plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Marie Dara? Plutôt Freaks et Mermaid. Plutôt Freaks et Mermaid. Je sais pas, Freak, il est marqué sur mon... C'est tout à fait accepté, hein, Freaks et Mermaid. Ah mais oui, mais il est marqué wow. Freak sur, mon, sur, ma main do- sur mon, ma, le haut de ma main droite. Ouais. Et il est marqué Keen sur le haut de ma main gauche. Et Keen, c'est un peu, ça veut dire enthousiaste, mais les deux ensemble, ça veut dire fou furieux. Waouh. Monstre furieux, mais normalement, c'est fou furieux, voilà. Et Keen, c'est Queen et King. Mais oui. C'est la contraction. Mais il y a toutes les réponses sur tes mains. Voilà, c'est très toutes les réponses sont sous main. Vous n'avez pas mes mains parce que c'est audio, mais oui. Voilà. Et ben, la prochaine fois que les gens viendront te voir performer, voilà, demandez-moi. Ils regarderont tes mains très insistantes avec beaucoup ou d'insistance. Demandez-moi gentiment et avec mon consentement, je vous montrerai mes mains. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Marie-Dara, d'être merci passée. Merci à toi. C'était super de t'avoir. Et puis, bah, du coup, longue vie. Longue vie à toi et à tout ce que tu à portes moi, et à tout ce que tu représentes. Longue vie à Lara Fabian. Et au drag show. Oui, et merci beaucoup à Radio Panique de nous avoir accueillis et de continuer Radio à Panique. Nous accueillir. Une très belle journée à toi, Marie. Merci. À bientôt. À toi aussi. Et c'est ainsi que se termine l'épisode Freaks et Merveilles du jour. Rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter ou redécouvrir sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez d'ailleurs pas à recommander l'émission et y mettre plein de cœurs et d'étoiles pour qu'il soit mieux recensé et plus populaire encore. Et si l'envie et le cœur vous en dit, l'émission est sur Patreon. L'occasion de me donner un petit peu de soutien financier dans cette entreprise largement bénévole. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas d'aller voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée sur Radio Panique. Merci à Hello.